Première partie, chapitre 18, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Première partie, chapitre 18. Méditation d'une âme qui délibère entre la vie du monde et la vie dévote. Préparation. 1. Mettez-vous en la présence de Dieu. 2. Implorez son secours avec humilité. Considération. 1. Imaginez-vous encore une fois que vous êtes avec votre bon ange dans une vaste campagne, que vous voyez à votre main gauche le prince des ténèbres sur un tronc fort élevé et environné de plusieurs démons, et qu'autour de sa cour infernale, vous découvrez une multitude innombrable de pécheurs et de pécheresses qui, autant dominés par l'esprit du monde, lui rendent aussi leur hommage. Observez attentivement tous les infortunés courtisans de cet abominable roi. Considérez les uns transportés de colère, de haine et de vengeance, qui ont fait des furieux, les autres amollis par l'esprit de paresse, qui ne les occupe que de frivoles vanités. Ceux-là, enivrés de l'esprit d'intempérance, qui ont fait des fous et des broutons. Ceux-ci, enflés de l'esprit d'orgueil, qui ont fait des hommes violents et insupportables. Quelques-uns possédés par l'esprit d'envie, qui les dessèche et les rend chagrins et rêveurs. Plusieurs corrompus jusqu'à la pourriture par l'esprit de volupté, et plusieurs qui l'esprit d'avarice inquiète et trouble par l'empressement d'avoir de bien. Voyez les tout sans repos et sans ordre. Regardez jusqu'à quel point ils se méprisent les uns les autres. Combien ils se haïssent, de quelle manière ils se persécutent, se déchirent, se détruisent et s'entretuent. Voilà donc cette république du monde, tyrannisée par ces maudits rois. Quelle est malheureuse et digne de compassion. 2. Considérez à votre main droite Jésus-Christ crucifié, qui avec une tendresse inexplicable de compassion et d'amour, présente à Dieu son Père ses prières et son sang pour obtenir la liberté de ses malheureux esclaves et qui les invite à rompre leurs liens pour venir à lui. Mais arrêtez-vous principalement à regarder cette nombreuse troupe de dévots et de dévotes qui sont autour de lui avec les anges. Contemplez la beauté du royaume de la dévotion. Admirez tant de personnes de l'un et de l'autre sexe, dont les âmes sont pures et blanches, comme les lys. Tant d'autres à qui la mort d'un mari ou d'une femme a rendu la liberté à leur cœur, et qui la consacrent à Dieu par la mortification, par la charité et par l'humilité. Tant d'autres qui élèvent leur famille dans le culte de vrai Dieu, en accordant la possession de biens avec les détachements de cœur, les soins de la vie avec ceux de l'âme, l'amour qu'on s'est promis réciproquement avec l'amour de Dieu, et le respect qu'on se doit avec une douce familiarité. Considérez à loisir dans cette heureuse société des serviteurs et des servantes de Dieu, le bonheur de leur état, cette sainte tranquillité d'âme, cette suavité d'esprit, cette égalité de mœurs. Ils aiment d'un amour pur et saint. Ils jouissent d'une joie inaltérable, mais également charitable et réglée. Ceux-là même et celles qui ont des afflictions ne s'en inquiètent point ou que très peu et n'en perdent rien de la paix de leur cœur. Aussi, tous ont les yeux attachés sur Jésus-Christ, qui voudrait avoir dans leur cœur, et qui porte lui-même les yeux pour ainsi parler et son cœur jusqu'au fond de leur âme, pour les éclairer, les fortifier et les consoler. 3. Eh bien, Philothée, il y a quelque temps que par les bonnes résolutions que la grâce vous a fait former, vous avez abandonné Satan avec sa damnable troupe. Mais vous n'avez pas encore eu le courage de vous aller jeter aux pieds de Jésus pour vous engager à son service dans la société de ses plus fidèles serviteurs. Vous avez été comme entre les deux parts. Il faut aujourd'hui vous déterminer une bonne fois. 4. La Sainte Vierge avec Saint Joseph, Saint Louis, Sainte Monique et 100 000 autres qui ont formé au milieu du monde le royaume de Jésus-Christ vous invitent à les suivre. Écoutez principalement Jésus qui vous appelle par votre propre nom et qui vous dit « Venez, ma chère âme, venez, et je vous couronnerai de gloire. » Élection 1. Ô monde trompeur, je t'aborde, toi et tes sectateurs. Jamais on ne me verra sous tes lois. C'est pour toujours que je me désabuse de tes folies et que je me délivre de tes vanités. Et toi, Satan, esprit infernal, abominable roi d'orgueil et de malheur, je te renonce avec toutes tes vaines pompes et je déteste à jamais tes œuvres. 2. C'est vers vous, doux et aimable Jésus, roi de la félicité et de la gloire immortelle, que je me tourne aujourd'hui. Je me jette à vos pieds, je les embrasse de toute mon âme. Je vous adore de tout mon cœur. Je vous choisis pour mon roi et je me soumets à l'obéissance de vos saintes lois. Je vous fais de tout ce que je suis un hommage universel et irrévocable, que je prétends soutenir toute ma vie avec votre grâce, par une inviolable fidélité. 3. Ô Sainte Vierge, permettez-moi que je vous choisisse aujourd'hui pour me conduire. Je me range sous votre protection, en vous vouant un respect singulier et une spéciale dévotion. Ô mon saint ange, présentez-moi aux saints et aux saintes. Ne m'abandonnez pas, que vous ne m'ayez fait entrer dans leur bienheureuse société. C'est là qu'ayant renouvelé et confirmé de jour en jour le choix que je fais, je dirai éternellement à leur exemple, vive Jésus, vive Jésus. Fin de chapitre 18, première partie.